ça serait bon. Thank you. Just like cool. Just. Non. Non. Chasse à cour. Hop, hop, hop, hop, hop. J'ai pas trouvé première fois qu'on me demande ça. Chasse à cour. Qu'est-ce que tu veux que je fasse là-dessus? Thank you. Thank you. Thank you.